بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Donc inshallah ta'ala on poursuit avec la biographie du prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi afdal as-salat wa azka as-salam. Et la semaine dernière on avait parlé de l'état des Arabes avant la venue du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. On avait dit que les Arabes, ayyuhal ikhwatul kiram, à la base suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salam, jusqu'à ce qu'un personnage appelé, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et on avait expliqué et donné les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala concernant ce hadith, jusqu'à ce qu'un personnage dénommé, qui peut me rappeler le nom du personnage, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, c'est un nom qu'on doit retenir inshallah ta'ala. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, ce personnage qui est le premier à avoir fait rentrer à shirk l'association ici chez les Arabes. Et on avait dit que c'était une des causes pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal avait envoyé le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, le prophète Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, comme on l'a dit la semaine dernière, a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Et ça, et ce n'est pas simplement que pour les Arabes. Ce n'est pas simplement que pour les Arabes. Il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et les preuves en sont nombreuses. Et parmi ces preuves, il y a un verset coranique et une situation qui va se passer au jour de la résurrection, comme nous l'a décrite le prophète alayhi salatu wassalam dans un récit authentique. Et un petit rappel s'impose ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde ou comme miséricorde pour l'humanité. Ce n'est pas simplement pour les Arabes. Wallahi, le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam a été envoyé comme miséricorde ou en miséricorde pour l'humanité, l'ensemble des gens, pour les musulmans et les non-musulmans. Et comment dire le contraire alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'au jour de la résurrection, ayyuhal ikhwatul kiram, le prophète alayhi salatu wassalam aura cet honneur, l'intercession. Il aura l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour l'ensemble, ayyuhal ikhwatul kiram, pour l'ensemble des créatures. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et comme vous le savez, et ce n'est pas le but de ce cours au jour d'aujourd'hui, il y a différentes intercessions au jour de la résurrection. Et parmi ces intercessions, il y a la grande intercession qu'on appelle الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى. La grande intercession. La grande intercession, ayyuhal ikhwatul kiram, sera attribuée au prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Et quand celui-ci alayhi salatu wassalam intercédera, ça sera un allègement pour les musulmans et les non-musulmans. Pour les musulmans et les non-musulmans. Quand les prophètes, ayyuhal ikhwatul kiram, et messagers, se préoccuperont de leur propre personne et diront nafsi, nafsi, nafsi, toute l'humanité, ayyuhal ahbab, au jour de la résurrection, attendra cette grande intercession et ce sera l'intercession de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, après qu'il se prosterne tahta arshur rahman, sous le trône du miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala, et après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, ou qu'il lui sera dit au jour de la résurrection, ya Muhammad ishfa' tu shaffa' wa sal tu'ta, ô Muhammad, intercède, il te sera accordé cette intercession, et demande, wa sal tu'ta, et demande, et on accordera, et on accordera ta demande. Et dans une version authentique, waqul tusma, et parle, tu seras entendu. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a aucune intercession si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, intercédera ayyuhal ikhwatul kiram, et cette intercession ayyuhal ahbab sera un allègement des tourments pour les musulmans et les non-musulmans, pour les musulmans et les non-musulmans. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a bien été envoyé comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ayyuhal ikhwatul kiram, on va parler de sa naissance. La naissance de ce personnage qui a été envoyé comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Avant tout, il faut savoir que son père était Abdullah. Son père était Abdullah. Et je tenterai, incha'Allah ta'ala, au fur et à mesure de cette biographie du prophète Mohammed ibn Abdullah, alayhi salam, de répéter souvent les noms, et d'articuler au mieux possible, et d'aller doucement, car le but c'est de retenir les noms qu'on va citer, ainsi que les hadiths et les versets coraniques, incha'Allah ta'ala, afin de bien comprendre la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, Naam, et de l'enregistrer, inshallah ta'ala, à vie dans nos têtes et dans nos cœurs. Son père était Abdullah. Et sa mère s'appelait Amina bint Wahb. Sa mère s'appelait Amina bint Wahb. Et Abdul Muttalib était son grand-père. Abdul Muttalib était le grand-père du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Tandis que son père Abdullah était le benjamin. C'était le benjamin. Et son père, c'est-à-dire Abdullah ayyul Ahbab, est décédé. Et il y a une divergence entre savants, avec un qawlu rajih min ahli al-ilm. La parole la plus prépondérante et qui s'approche du plus authentique, c'est que son père est décédé avant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures que la surface de la terre ait portée, ou que la terre ait portée, ayyul ikhwatul kiram, est né orphelin de père. Est né orphelin de père. Écoutez bien et suivez bien. Et on verra au fur et à mesure ici ces différentes situations que je vais citer maintenant. Et il est né orphelin de père. Donc, il n'avait pas de père. Il n'a pas connu plutôt son père. Et Amina bint Wahb ayyul ikhwatul kiram est décédée alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'avait que 6 ou 7 ans. N'avait que environ 6 ans ayyul ahbab. Donc, on voit que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam n'a ni connu son père et ni connu sa mère. Il a grandi, ayyou al-ahbab, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité, sans l'amour et l'affection de son père et de sa mère. Si ce n'est qu'il a connu sa mère jusqu'à 6 ou 7 ans. Mais comme vous le savez, chez les gens de science, l'âge de la raison est à peu près de 6 ou 7 ans. Donc il n'a pas pu en profiter, ayyou al-ikhwatul kiram, de cet amour maternel et de cet amour paternel. Et parmi les sagesses, ayyou al-ikhwatul kiram, concernant la mort de sa mère et de son père, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une leçon à l'ensemble de l'humanité. C'est pour te rappeler aussi, ya Abdallah, que wallahi, que tu as beau faire les causes pour éduquer ton enfant comme il se doit, il sera pieux que si Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. Car la meilleure des créatures sur la surface de la terre n'a reçu ni l'éducation de son père et ni l'éducation de sa mère, mais il a reçu l'éducation directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé son père et sa mère. Et ça rappelle aux gens, ayyou al-ahbab, que nous sommes que des causes, comme on le répète souvent. Nous sommes que des causes. Et comme je le dis, je le répète souvent, les causes ne peuvent nuire et ne peuvent te profiter en rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qui met les faits dans les causes. Allah azza wa jal a éduqué le prophète Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Regardez ici les épreuves pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Cette créature qui a été envoyée comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité a commencé. Ces épreuves ont commencé dès son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge. Et cela ne veut pas dire qu'on doit délaisser les causes ou qu'on a à se dire ou qu'on doit se dire, comme le disent beaucoup de personnes, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Moi, de toute façon, je sais très bien que c'est Allah qui éduque ou c'est Allah qui guide ou c'est Allah qui égare. Donc ça ne sert à rien que je fasse les causes ou que j'éduque mon enfant. Même si mon enfant fait des péchés, moi aussi j'en ai fait. Et wallahi, on entend ces paroles, wal'iyadu billah. C'est pas grave. S'il fait des péchés, s'il écoute la musique, s'il s'égare pendant sa jeunesse, nous aussi on s'est égaré. Et maintenant, walillahi alhamd, Allah nous a guidés. Donc la même chose pour mon enfant. C'est une responsabilité que tu as, ya Abdallah. Tes enfants sont une responsabilité. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam, ayyou al-ikhwatul kiram, a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a eu des causes. Il y a eu des causes. Et parmi ces causes, des personnes qui étaient très proches du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait Abdul Muttalib, son grand-père. Il y avait son oncle Abu Talib. Des personnes qui étaient dans son entourage très proches de lui. Et qui lui ont donné cet amour. Et qui lui ont donné amour, affection et protection. Donc ici, il ne faut pas partir à l'excès en se disant, donc moi j'ai retenu de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, que la meilleure des créatures au monde, ici n'avait ni père ni mère. Donc c'est pas moi qui va être la cause principale de sa bonne ou mauvaise éducation. Eh bien nous disons le contraire. Nous disons le contraire, ya Abdallah, toi si tu es père, ou toi si tu es une mère, vous êtes la principale cause, ayyou al-ikhwatul kiram, de l'éducation de vos enfants. On sait que nous sommes que des causes, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qui égare. Mais toi, tu es une cause et tu es la principale cause de l'éducation de tes enfants. Tu es la principale cause et tu es le principal responsable. Et ici, ayyou al-ahbab, rapporté par l'imam muslim, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout homme à qui Allah confie une autorité et qui meurt en ayant trahi ceux sous son autorité se verra interdire le paradis. Se verra interdire le paradis. La preuve que tu as une responsabilité et que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'opportunité d'avoir des gens sous ton autorité, eh ben tu dois assumer cette autorité, cette responsabilité par crainte que cette mauvaise éducation que tu as donnée à tes enfants soit la cause de ton entrée en enfer, wal'iyadu billah. Par crainte, je dis bien, par crainte. Donc ici, à nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Bien plus que cela, ce que j'ai pu lire, moi, ce que j'ai pu lire de plus étonnant et de plus beau concernant ici l'éducation des enfants, c'est ce qui a été rapporté par Abu Muhammad al-Ansari, rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, ainsi que d'autres, selon Jabir, radiyallahu anhu wa arda, qui a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, Allah rend vertueux, écoutez bien, Allah rend vertueux le fils dont le père est lui-même vertueux. Allah rend vertueux le fils dont le père est lui-même vertueux. Voilà, ya Abdallah, si tu veux une bonne descendance, à toi de te corriger toi-même. Si tu veux des enfants vertueux, à toi d'être vertueux. Si tu veux des enfants pieux, à toi d'être pieux. Et en te remettant à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et qui égare. Et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de te donner, non pas des enfants vertueux, mais une descendance vertueuse. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّةِ الذُّرِّيَّةِ يُوَ الْإِخْوَةُ الْكِرَامِ. La descendance. وَذُرِّيَّةِ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. نَعَمَا يُوَ الْإِخْوَةُ الْكِرَامِ. Ici, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne descendance. Et ce n'est pas simplement des enfants pieux, mais une descendance pieuse et vertueuse. Et ceci ne vient que confirmer les paroles que j'ai apportées. Ne vient que confirmer Al-Qur'an Al-Karim. Et écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Al-Qur'an Al-Karim, dans Surat Al-Najm, verset 39. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. Dans Surat Al-Najm, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, ya Abdallah. Donc on revient à la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa salam. Il a grandi à Yuhal Ahbab, sans avoir auprès de lui ni son père ni sa mère. Et avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son cœur tendre, a fait qu'il soit compatissant et qu'il soit clément envers les musulmans et les non-musulmans. Et ça, c'est une réponse à certains psychologues, ayyuhal ahbab. Certains psychologues, na'am, écoutez bien. Certains disent que quand il y a un enfant qui a grandi sans l'amour de son père, ni l'amour de sa mère, ou bien sans avoir auprès de lui ni son père ni sa mère, et ben ça c'est une principale raison pour laquelle ou par laquelle l'enfant peut être très perturbé quand il grandit et très dur et très froid. Et ben nous disons que la meilleure des créatures sur la surface de la terre a grandi sans avoir auprès de lui ni son père et ni sa mère. Et avec ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أيها الإخوة الكرام, ici sache ya Abdallah que si toi tu as grandi sans avoir ton père ou ta mère auprès de toi, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Car l'amour principal qu'on doit avoir, c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si, comme disent les savants, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu préparer le messager d'Allah alayhi salatu wa salam de vouer son amour principal dès son plus jeune âge envers Allah subhanahu wa ta'ala. Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wa salam. Et ce messager, ayyuhal ikhwatul kiram, qui est le dernier des messagers, est né Amul Fil, l'année de l'éléphant. Est né Amul Fil, l'année de l'éléphant. Et pourquoi l'année de l'éléphant? Et où est né le messager d'Allah alayhi salatu wa salam? On va voir inshallah ta'ala. Rapporté par Al-Imam ibn Ishaq. Ce récit est rapporté par Al-Imam ibn Ishaq. Un long récit que je vais vous dicter. Ou que je vais vous citer. L'imam ibn Ishaq, ainsi que l'imam ibn Jarir, ainsi que l'imam ibn Kathir, rahimahumullahu jami'an, et l'imam ibn Jarir, ainsi que l'imam ibn Kathir, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, ont dit, inna sanadaha jayyid. La chaîne de transmission est bonne. Concernant le récit que je vais citer. Et ici, le récit concerne Abraha. Concerne Abraha. Donc, qui était un dirigeant abyssin au Yémen. C'était un chrétien, Abraha. Il construit, il est rapporté qu'il avait construit à Sana'a, qui est capitale du Yémen, une gigantesque, une énorme, une très grande et très belle église. Et ceci afin de détourner les Arabes de quoi et d'où. Et écoutez bien et prenez les morales, ayyuhal ikhwatul kiram. De détourner les Arabes de la Mecque. Car ils savaient très bien que les Arabes se dirigeaient vers la Mecque. Et ceci apportait richesse pour les Mécois. Et ils savaient que les Arabes se dirigeaient, et pas que les Arabes, mais principalement les Arabes se dirigeaient vers la Mecque pour faire le pèlerinage. Ils allaient faire le pèlerinage comme on a cité dans le premier cours. Naam, ils faisaient le pèlerinage. Donc pour essayer, écoutez bien, essayer de détourner ces gens-là de cet endroit sacré qui est Baytul Haram, la maison sacrée, Baytullah al-Haram, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé ici de construire cette immense et magnifique belle église pour attirer les gens vers cet endroit-là. Donc, à ce moment-là, ayyuha al-ikhwatul kiram, cette église, certains arabes ou historiens l'ont appelée al-Qulays. D'autres, Qulays et d'autres, Qudays. D'accord? Donc, si vous voyez Qulays avec une shadda sur le lem, c'est bon. Qulays, aydan. Et aussi Qudays. Donc, voilà comment a appelé ce monument ou cette église, yani les historiens. Donc, après qu'il voulait les détourner de la Mecque. Et il est rapporté, donc toujours dans le même récit, rapporté par Ibn Ishaq, Ibn Kathir et d'autres, ici qu'il y a un arabe parmi Quraysh, qui est parti et qui s'est rendu, car les arabes étaient très fiers. Et on avait dit dans le premier cours, que les arabes étaient très fiers, et c'était des hommes très courageux. Et pour aller provoquer, donc Abraha, il y a un des Arabes de Quraysh qui est parti jusqu'à cet endroit-là, cette église-là, pour faire ses besoins. Pour faire ses besoins, pour le provoquer. Donc il s'est rendu dans cet endroit-là, et il a fait ses besoins dans cette église-là. Et il est reparti. Et à ce moment-là, donc bien sûr, Abraha a été au courant. Abraha a été au courant que cet Arabe-là est venu, entre guillemets, les provoquer. Et ensuite, ici, Abraha a décidé ici, d'aller attaquer la Mecque. Mais écoutez bien, et on va revenir sur les morales, incha'Allah ta'ala. Ce n'est pas pour tuer et verser le sang à la Mecque. Ajib. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ce n'est pas pour tuer et verser le sang à la Mecque. Mais c'était simplement pour détruire la Kaaba. Vous êtes d'accord? Vous suivez bien. C'était simplement, je dis bien simplement et souligné simplement. Simplement pour détruire la Kaaba. Donc il se mit en route. Certains historiens ont dit 13, d'autres 9, d'autres 6. À la Kulihal, on dit une dizaine. Le nombre n'est pas très important. À partir du moment qu'on sait que c'est une dizaine, c'est pas obligé qu'on sache ou c'est pas très très très important de savoir s'il y avait 11 ou 12 ou 13 ou 9 ou 8 éléphants. Yani, à la Kulihal, certains disent 13, d'autres 9, d'autres 6, d'autres 7, et etc. Il y avait une dizaine d'éléphants. On est d'accord. Il a pris une dizaine d'éléphants et il s'est rendu à la Mecque pour détruire la Kaaba. Donc ici, je cite ce que disent les historiens parmi eux, Ibn Kathir et les grands savants Ibn Jarir et d'autres. Donc sur le chemin, donc Abraha s'est dirigé vers la Mecque. Sur le chemin, un chef yéménite appelé Zunafar. Donc, escorté par une armée arabe, lui résista d'abord. Donc il s'est retrouvé confronté avec ce personnage qu'on appelle Zunafar et qui lui a tenu un peu tête. D'accord? Et donc, il lui résista d'abord. Mais finalement, il fut vaincu et même emprisonné. C'est-à-dire, Zunafar. À ce moment-là, dans un pays à côté, appelé Khat'am, il s'était opposé à un personnage ou une personne, et retenez bien ce nom, qui s'appelait Nufayl ibn Habib. Avec sa tribu. Mais à son tour, Nufayl ibn Habib a été vaincu. Donc il a trouvé un peu de résistance sur la route. Donc il a été vaincu, Nufayl ibn Habib. Et ensuite, il fut prisonnier aussi. Mais afin d'avoir la vie sauve, il accepta de le servir comme guide au travers du pays arabe. Donc ici, il a servi de guide pour Abraha et ses troupes, ici pour les diriger. Et lorsqu'il arriva près de Taïf, les Bani Thaqif, près de Taïf, donc une ville qui est proche de la Mecque, près de Taïf, les Bani Thaqif ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de résister à une telle force si impressionnante et appréhendant le danger qu'ils puissent détruire aussi le temple de leur divinité. Leur chef, un de leurs chefs, accompagné de ses hommes, vint trouver Abraha. Donc, ils ont paniqué. Ils ont été voir Abraha. Et tout en lui expliquant que leur tombe n'était pas celui qu'il était venu détruire. Donc, il dit, le temple qu'il cherchait se trouve à la Mecque. Donc, il dit à Abraha, ce que tu cherches, c'est pas nous. C'est ici, par panique, ce que tu trouves, ça, c'est à la Mecque. Et qu'il lui enverrait un homme pour le guider jusque là-bas. Donc, ils lui ont dit, on va te donner un homme. Et Abraha accepta l'offre, et les Bani Thaqif envoya un homme qui s'appelait Abu Rigal, toujours dans le même récit, hein, d'Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Ibn Jarir. Donc un homme qui s'appelait Abu Rigal, comme guide. Donc ce personnage-là leur a servi comme guide. D'accord? Et Abraha accepta l'offre, et les Bani Thaqif envoyèrent alors Abu Rigal comme guide. Lorsqu'ils atteignirent Al-Mughannas, ou bien certains historiens disent Al-Mughammis, une place située à environ 5 km de la Mecque. Abu Rigal mourut et les Arabes lapidèrent sa tombe. Donc ce personnage-là, Abu Rigal, qui lui servait comme guide et aussi pour dénoncer, d'accord, les Arabes qui étaient et les Quraysh qui se trouvaient à la Mecque, quand il mourut, les Arabes par la suite ont pris cette habitude, c'est-à-dire de lapider sa tombe. De lapider sa tombe. Et ils le maudirent, et ils maudirent également les Bani Thaqif pour avoir coopéré avec les envahisseurs de la maison d'Allah simplement pour sauver le temple, leur temple. D'accord? Donc c'est une personne, Abu Rigal, qui a participé, d'accord, à la dénonciation et à la ce qui était envisagé, c'est-à-dire la soi-disant destruction de la Kaaba. Il voulait participer à cette destruction qui n'a pas eu lieu, walillahi alhamd, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillahi jalla wa ala. Donc ici, dû à cette participation, qu'est-ce qu'ont fait les Arabes? À chaque fois qu'ils passaient devant sa tombe, ils lapidèrent sa tombe et ils ne cessèrent de maudire les Bani Thaqif. D'accord? Et selon Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, à partir d'Al-Mughammas, donc cette ville située à environ combien de kilomètres de la Mecque? 5 km de la Mecque. Abraha envoya son avant-garde qui lui apporta le butin des gens de Quraysh. Donc ils ont pris du butin concernant les gens de Quraysh. Parmi lesquels se comptaient 200 chameaux. 200 chameaux de Abd al-Muttalib qui était le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Le grand-père du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis il dépêcha un de ses émissaires pour la Mecque, porteur du message, écoutez bien, qu'il n'était pas venu pour attaquer les gens de la Mecque, mais juste pour détruire la maison sacrée, la Kaaba. Il a envoyé un émissaire, Abraha, et il leur a dit, je ne suis pas venu vous attaquer ou répandre le sang, mais je suis venu juste, masha'Allah, retenez bien ça, juste pour détruire la maison sacrée, la Kaaba. S'il ne manifeste aucune résistance, il n'y aura pas de bain de sang, comme dit Abraha. Également, Abraha informa son émissaire que si les gens de la Mecque désirent négocier, ils devront dépêcher auprès de lui leur principal chef. Et leur principal chef, c'était bien sûr Abd al-Muttalib, grand-père du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, venait ou descend d'une famille noble, mais modeste, masha'Allah. La noblesse et la modestie. Voilà, ici, la famille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils avaient la noblesse et la modestie. Ce n'est pas pareil que d'avoir la noblesse et la richesse. Eux, ils avaient la noblesse et la modestie. Ce n'étaient pas des gens très riches. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est né, comme on va le voir par la suite, il gardait quoi? Les moutons. C'était un berger, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. La preuve, ce n'étaient pas des gens riches, mais c'était des gens très nobles. Ils venaient d'une famille très noble. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Donc إن شاء الله تعالى on poursuit avec la biographie du prophète Mohammed ibn Abdillah عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Et la semaine dernière on avait parlé

le vit et il fut aussitôt impressionné. Il quitta son trône et s'asseya auprès de lui sur un tapis. Ça, c'était qui avait fait ça? Abraha, qui était venu faire quoi? Détruire la Mecque. Et dans ce récit, il est rapporté que Abraha, tellement qu'il a été impressionné par la noblesse, la carrure, le charisme de Abd al-Muttalib, il était sur sa chaise, dans cette sorte de tente, et il s'est mis au même niveau que Abd al-Muttalib, par modestie, tawadu. Il vient en tant qu'ennemi. C'est un ennemi, même s'il ne veut pas répandre le sang ou les attaquer, il vient en tant qu'ennemi. Lakin, il se met par terre parce qu'il est impressionné par le charisme et la noblesse de Abd al-Muttalib. Où est la modestie au jour d'aujourd'hui chez nous? Allah al-Musta'an. Ça, c'était un ennemi. Un ennemi qui avait cette qualité. Nous, chez les musulmans, au jour d'aujourd'hui, on ne retrouve même plus cette qualité. On ne reconnaît même pas, na'am, on ne reconnaît même pas, ici, les qualités de la personne qui est en face de nous. Jusqu'à ce qu'on voit quoi? Un roi qui est en face de lui, un savant, et le savant qui s'assoit par terre et le roi qui le regarde de haut. Allah al-Musta'an. Alors que ici, Abraha est venu en tant qu'ennemi, et ici, simplement parce qu'il reconnaît la noblesse de Abd al-Muttalib, se met par terre avec lui. Donc on voyait qu'ils avaient, comme on a cité ici, les Arabes et même les gens, comme on voit ici Abraha qui était un Abyssin, ici avant la venue du prophète, il y avait d'énormes qualités qu'ils avaient. D'accord? D'énormes qualités, et ces qualités, certaines de ces qualités qu'avaient les Arabes avant la venue du prophète et le message divin, Allah a renforcé ces qualités. La preuve qu'un non-musulman peut avoir de bonnes qualités. Un non-musulman peut avoir de bonnes qualités, ayyuhal ahbab. Donc je poursuis. À ce moment-là, la conversation a commencé entre Abraha et Abd al-Muttalib. Donc à ce moment-là, ici, Abd al-Muttalib, donc ensuite il lui demanda plutôt ce qu'il voulait, c'est-à-dire Abraha. Abd al-Muttalib répondit qu'il souhaite que le roi lui retourne des chameaux qui lui ont été volés. Donc lui, Abraha lui dit, je viens pour détruire la Kaaba. Et lui, Abd al-Muttalib, il dit, moi, je viens pour récupérer mes chameaux. Donc lui, il se dit, subhanallah, il se dit, comment ça? Enfin, pas subhanallah, mais il se dit, comment ça? Il dit, moi, je viens ici pour négocier avec lui, pour parler avec lui, pour lui expliquer que, voilà, je vais détruire la Kaaba, je veux pas verser. Lui, il me parle de ses chameaux, il pense que à lui, ses chameaux. Donc il a été déçu. Il a été déçu. Donc à ce moment-là, quand Abd al-Muttalib, il a dit, moi, je souhaite ici, simplement, retrouver mes chameaux qui m'ont été volés. Abraha dit, j'ai été très impressionné quand je t'ai vu, mais ta réponse vient de rabaisser ou de te rabaisser à mes yeux. Tu exiges simplement tes chameaux, mais tu ne dis pas un mot au sujet de cette maison qui est ton sanctuaire, tout comme le sanctuaire de tes aïeux. Et ici, Abd al-Muttalib qui dit et qui répond, je suis le propriétaire de mes chameaux et je demande de me les rendre. En ce qui concerne la maison, elle a son propre propriétaire qui la gardera. C'est-à-dire Allah. C'est-à-dire qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient ce tawhid qu'on appelle l'unicité, Ar-Rububiyya. C'est connu. Donc ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Arabes, ils s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'avaient pas ce deuxième type d'unicité qu'on appelle At-Tawhid al-Uluhiyya concernant la divinité. Ils associaient, ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui chez les musulmans, ça fait chadid, avec le plus grand des regrets. Il dit, moi j'aime Allah, je crois en Allah, je prie, je jeûne pour Allah, na'am. Mais quand il sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va chercher des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il va adorer des gens qui sont enterrés dans tel endroit et tel endroit. Ceux-ci ont les mêmes, ici, critères que les Arabes à l'époque où l'islam n'était pas encore arrivé. Où il n'y avait pas encore eu la révélation, ça c'est grave. Vous imaginez qu'il y a les mêmes comportements au jour d'aujourd'hui, 14 siècles après la venue du prophète, les mêmes comportements que ce qui était répandu chez les Arabes avant que le messager d'Allah, avant que le messager d'Allah même naisse, avant même la naissance du prophète, c'est grave. Donc ici, Abd al-Muttalib rappelle à Abraha que lui, il est responsable de ses troupeaux. Amma, la Mecque, ce sanctuaire-là, elle a son responsable. À ce moment-là, ici de là, Abd al-Muttalib le quitta et ce dernier lui restitua ses chameaux. D'accord? Et ensuite, Abd al-Muttalib, quand il est reparti, il s'est dirigé vers la Kaaba. Toujours dans le même récit, il s'est dirigé vers la Kaaba Et à côté de la Kaaba, avec un groupe de Quraysh, ils se sont mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À invoquer Allah. Ils adoraient des statues, na'am. Comme on va le voir, et comme on l'a vu déjà de toute façon la semaine dernière. Donc ici, ils adoraient des statues, mais ils se sont mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger ce sanctuaire-là. Ils s'en remettaient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était quoi? C'était à l'époque de l'jahiliya, du paganisme, ayyuhal ikhwatul kiram. Et à ce moment-là, ayyuhal ahbab, voilà que Abraha continua sa mission. Il se dirigea vers ce sanctuaire, la Mecque, avec les éléphants. Et à un moment, Nufayl, vous vous rappelez du premier guide? Le premier guide dont on a parlé, pas le deuxième, ayyuhal ahbab, qui a voulu contribuer à quoi? À l'anéantissement et à la destruction de la Kaaba. Mais ce premier personnage, ici, qui s'appelait Nufayl ibn Habib, à ce moment-là, il était contre ce personnage qui était Abraha et ses troupes. Ce personnage qui était Abyssin, Abraha. Il était contre eux. Et donc ici, pour s'en tirer, pour ne pas se faire tuer ou emprisonner, il est rentré dans la négociation avec eux. Donc à ce moment-là, quand il voyait que c'était le terme final, Nufayl ibn Habib, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché d'un des éléphants, et il est rapporté dans le même récit, qu'il s'est approché de son oreille, qui a soulevé son oreille, et qui ensuite a parlé à qui? À l'éléphant. Il a parlé à l'éléphant. Et il lui a dit à cet éléphant, qui certains historiens disent qu'il s'appelait ou qu'il l'avait appelé, Mahmoud. Qu'il avait appelé Mahmoud. Et donc il s'est dirigé vers cet éléphant, et il lui dit, Ya Mahmoud, repars d'où tu es venu, car tu es dans une terre sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Repars d'où tu es venu, car tu es dans une terre sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'unanimité des savants, il est rapporté que ici, l'éléphant n'a plus voulu avancer. Et les éléphants ne voulaient plus avancer. Ils avaient beau les frapper, ils avaient beau les forcer, ils se dirigeaient à droite, à gauche, derrière, dans toutes les directions, sauf vers la direction qui menait vers la Kaaba. Donc, ils ne voulaient pas avancer. Et à ce moment-là, ayyuha al-ikhwatul kiram, arsala jalla wa ala alayhim tayran ababil. Et c'est à ce moment-là, ayyuha al-ahbab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur eux des oiseaux par voler. Et de là, le verset coranique, ayyuha al-ahbab, qui est alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset coranique qui suit. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? C'est-à-dire les gens qui se sont dirigés avec ces éléphants, et parmi eux à leur tête, le chef abyssin chrétien qui était Abraha pour détruire la Mecque. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et envoyez sur eux des oiseaux par voler. Et qu'il leur lançait des pierres d'argile, et les a rendus semblables à de la paille mâchée. Semblables à de la paille mâchée. Et il n'y a personne qui a réussi à s'en sortir. Personne n'a réussi à s'en sortir. Il est rapporté dans le même récit que leur peau était en train de se décomposer au fur et à mesure que les pierres tombaient sur eux, ayyuha al-ahbab. Et ça c'est quoi? Ça c'est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ceux qui ont voulu quoi? Ceux qui ont voulu détourner les gens de Baytul Haram, de la maison sacrée. Ceux qui ont voulu détourner les gens de la voie de la vérité. Baytul Haram, ayyuha al-ikhwatul kiram, qui est la terre la plus aimée, Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et nul ne connaît l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est lui. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé quoi? Envoyé des oiseaux, ayyuha al-ahbab. Des oiseaux pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala sa puissance, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et wallahi, toute personne qui obstrue le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut couper le chemin de la voie de la vérité, et qui veut s'opposer à la voie de la da'wa, ilallahi tabaraka wa ta'ala, et à la voie de la vérité, wallahi wa rabbil ka'ba, il attirera simplement la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et combien de gens au jour d'aujourd'hui? Combien de gens au jour d'aujourd'hui, ayyuhal ikhwatul kiram? Ici, ils détournent les gens de la voie de la vérité. Au nom de quoi? Je veux faire le bien. Mais ce n'est rien. Et qu'est-ce qu'a dit Abraha? Qu'est-ce qu'a dit Abraha, ayyuhal ikhwatul kiram? Nous, on ne veut pas verser le sang. Naam. On ne veut pas verser le sang et vous attaquer. On veut juste détruire la Kaaba. On veut juste détruire la Kaaba. Parce que le comportement des non-musulmans, ou bien des hypocrites, qui ici veulent détourner les gens de l'haq, de la vérité, ayyuhal ikhwatul kiram, vous les verrez, ayyuhal ahbab, que les gens de façon générale même, qui veulent détourner les gens de la vérité et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont trouver des excuses, ou plutôt ils vont donner des raisons qui minimisent. Pour eux, ce n'est rien du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce type de personnage, wal'iyadu billah, dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim. Et vous retrouvez ce comportement dans le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah. Il dit le verset coranique, يُخَادِعُونَ اللَّهِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Est-ce qu'on retrouve ici dans ce verset coranique le comportement de Abraha et le comportement de beaucoup de personnes ici qui détournent les gens de la voie du bien, ayyuhal ikhwatul kiram? وَوَصِّي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَوَاللَّهِ. Ici, je parle pour moi le premier. Et j'enjoins ma propre personne ainsi que vous-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi que toute personne qui détourne les gens de la voie du bien ne s'en tirera ou n'en tirera ou plutôt attirera vers lui rien d'autre que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran al-Karim, ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais ils ne trompent que eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Et ils ne s'en rendent même pas compte. On veut juste détruire la Kaaba. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ce verset est général et il ne parle pas pour Abraha. Mais comme on verra dans Usul al-Tafsir, il y a des versets, tant que le contexte est bon et qu'il n'y a pas de preuve que ce verset est particulier pour une personne ou un type de personne ou pour le messager d'Allah et alayhi salatu wassalam, ce verset reste général pour toute personne qui se retrouve dans cette situation-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, il cherche à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, c'est-à-dire de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption. Ne semez pas la corruption. La corruption sur la terre, ils disent, au contraire, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on veut que le bien. Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Masha'Allah, que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent Et c'est ça le plus grave. Ils ne s'en rendent pas compte. Quand tu ne te rends pas compte d'une chose, ya Abdallah. Ça, c'est le plus grave, ya Abdallah. Et ça, c'était Abraha. Avec ses troupes. Qui ont voulu détruire Baytullah al-Haram. La maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été exterminés. Wa fi dhalika al-'am ayyuhal ikhwatul kiram. Wulida khayrul anam. Wa sayyidul rijal. Habibina al-Mustafa, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Al-Mustafa, l'élu. Et dans cette année, c'est pour ça qu'on appelle cette année-là l'année de la naissance du messager d'Allah alayhi salatu wasalam, Amul Fil. L'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, ayyuhal ahbab. Et cette année, quand elle a eu lieu? Kana dhalika fi shahri rabi'in al-awwal yawm al-ithnayn. Wa dhalika bi ijma'i al-ulama. À l'unanimité des savants, la naissance du prophète alayhi salatu wasalam a eu lieu le mois de Rabi' al-Awwal. Le mois de Rabi' al-Awwal. Et le jour qui était le lundi. Et ceci correspond à l'an 570 ou 571. C'est une petite divergence. Certains disent 570, certains 571. D'accord? Donc ça, c'est la naissance du prophète alayhi salatu wasalam à l'unanimité des savants. Concernant le mois et le jour. Le jour lundi et le mois Rabi' al-Awwal. Bi ijma'i ahli al-ilm, illa anna al-yawma qad ikhtulifa fihi. Concernant le jour, il y a une divergence entre savants. Là, il y a une divergence entre savants. قيل إنه ولد ليلة الثاني عشر. Certains ont dit qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Le 12 de Rabi' al-Awwal. وقيل إنه ولد ليلة التاسع عشر. Et d'autres ont dit qu'il est né le 19 de Rabi' al-Awwal. Et la majorité des savants disent qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Il y a une sagesse concernant le manque d'authenticité du jour de la naissance du prophète alayhi salam. Il y a une grande sagesse et un grand bien, wallah. Il y a une grande sagesse et un grand bien. On verra pourquoi par la suite, inshallah ta'ala. Donc ici, il est né le 12 de Rabi' al-Awwal, un jour qui correspond au lundi. Et concernant le lundi, il y a beaucoup de preuves authentiques. Parmi ces preuves, selon Abu Qatada, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, radiyallahu anhu, on interrogea le messager d'Allah alayhi salatu wa salam sur le jeûne du lundi. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, c'est un jour où je suis né et où je fus suscité comme messager. Ça c'est le hadith rapporté par Muslim. Il y a beaucoup de preuves authentiques dans le musnad de l'imam Ahmed et d'autres concernant la naissance du prophète alayhi salatu wa salam le jour du lundi. Et certains historiens ont rapporté ici certains événements qui ont eu lieu le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Et malheureusement, beaucoup de prédicateurs et d'historiens ont rapporté des faits et rapportent toujours des faits qui ne sont pas authentiques. D'accord ? Parmi ces faits, il y aurait, je dis bien conditionnel, soi-disant, yani, au jour de la naissance ou lors de la naissance du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il y aurait certains palais qui se seraient écroulés. Ça, c'est des hadiths da'if. Ils sont faibles, les hadiths. Comme l'a dit, par exemple, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre très connu, concernant la biographie authentique du prophète, alayhi salam, et beaucoup de savants. Et beaucoup de muhaddithines aussi, hein, de savants du hadith. Et il y a, par exemple, aussi le fait que soi-disant le messager d'Allah alayhi salatu wasalam serait né circoncis. Ça, il n'y a rien d'authentique concernant ça. Ce qu'on a d'authentique concernant la naissance du prophète alayhi salatu wasalam, c'est ce qui est relaté dans le musnad de l'imam Ahmed. Et le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas besoin qu'on rajoute des choses qui ne sont pas authentiques pour lui donner de la notoriété ou de l'honorabilité. Le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas besoin de ces récits qui ne sont pas authentiques, ayyuhal ikhwatul kiram. Wallahi, la biographie authentique du prophète alayhi salatu wasalam suffit amplement pour reconnaître que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Ce qu'il y a dans le musnad de l'imam Ahmed, et ce hadith est cité dans Silsilatul Sahiha, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ou plutôt l'a cité Cheikh Al-Albani. Un groupe de compagnons a interrogé le prophète alayhi salatu wasalam sur sa personne. Ils l'ont interrogé sur sa personne. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, je suis l'accomplissement du vœu formulé par mon père Ibrahim alayhi salam. Je suis l'accomplissement du vœu formulé par mon père Ibrahim alayhi salam. Et l'heureuse annonce faite par Isa alayhi salam. Car la venue du messager d'Allah alayhi salatu wasalam est citée dans la Torah et dans l'Injil. Dans l'évangile comme Allah azza wa jalla l'a dit dans le Coran al-Karim. Et ma mère, le prophète alayhi salam dit dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, et ma mère a vu quand elle me porta, ou quand elle m'enfanta, jaillir d'elle une lumière par laquelle lui étaient illuminés les palais de Shem. Ça, c'est un miracle qui a eu lieu à la naissance du prophète alayhi salatu wasalam, et on prend ce récit car c'est un récit authentique. Amma les autres récits, ayyuhal ahbab, comme je vous ai dit, comme quoi il est né circoncis et autres, des palais se sont écroulés autres, ceci ne sont que des récits faibles. Et ici, le but de cette biographie, c'est de citer que des hadiths ou des récits authentiques ou jugés bons et fiables par les savants musulmans. Et il est né, ayyuhal ahbab, dans la maison de son oncle Abu Talib. Il est né dans la maison de son oncle Abu Talib. Et ce qui est ici malheureux encore dans la communauté, c'est que sûrement ceux qui ont été au pèlerinage, vous avez dû apercevoir cette maison là qui est prise maintenant pour bibliothèque. C'est une bibliothèque maintenant, d'accord. Et certaines personnes, vous savez ce qu'ils font là-bas, donc ils se rendent là-bas et ils prennent des livres ou ils essaient de récupérer de la poussière, ou il y a certains qui s'accrochent même au mur ou qui restent autour et qui restent faire la queue pour rentrer dans la bibliothèque le premier, etc., etc., ici en espérant d'avoir le baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une innovation, une pire innovation. Si vraiment il est né dans ce lieu vraiment précis, yani où maintenant il y a cette bibliothèque-là, ceci n'est pas une preuve que, ici en prenant un livre de là-bas et en l'emportant avec toi, tu auras le baraka ou de la poussière ou l'ayyad ibn. Ça, c'est des pures innovations. Donc ici, il est né dans la maison de Abu Talib et à sa naissance, Abdul Muttalib, donc son grand-père, l'a pris et est parti avec lui jusqu'à la Mecque, où il y a la Kaaba, où il y avait la Kaaba, et ici, il est rapporté qu'il a été circoncis au septième jour. Et ça, c'est le plus fiable. Non pas qu'il est né circoncis, mais qu'il a été circoncis au septième jour, et il a été appelé Muhammad. Et il a été appelé Muhammad par son grand-père, Abdel Muttalib. Par son grand-père, Abdel Muttalib. Et ils l'ont interrogé, les Arabes. Pourquoi tu lui donnes ce nom-là qui est Muhammad, alors que ni tes parents, ni tes grands-parents ne s'appellent Muhammad? Donc ils ont été étonnés que de ce nom-là qui n'était pas répandu chez eux. Et Muhammad veut dire le glorifier ou le louer. Et qu'est-ce qu'il a dit Abdel Muttalib? Inni la arju an yahmadahu ahlul ard wa an yahmadahu ahlul sama. Qu'est-ce qu'il a dit Abdel Muttalib? Il a dit, j'espère qu'il sera loué par les gens d'ici-bas. D'accord? Les gens qui sont sur la surface de la terre, l'ensemble des gens, et ainsi par les habitants des cieux. Ça, c'est Abdel Muttalib qui l'a dit. Et ça, c'est Abdel Muttalib, ayyuhal ikhwatul karam, qui a donné ce nom-là au prophète Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Et concernant la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, ici, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont pris sa naissance, yani pour un jour, entre guillemets, d'adoration particulier. Et ça, c'est une pure innovation, ayyuhal ahbab, car ça rentre dans les actes d'adoration. Ça rentre dans les actes d'adoration. Et tout ce qui ne fait pas partie de cette religion, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été légiféré ni par Allah et ni par son messager, est rejeté en islam. Ça, c'est clair. Et on se doit, nous, de suivre la voie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et de s'y en tenir. Ainsi que la voie des compagnons, et de s'y en tenir. Et on ne peut apporter une chose nouvelle, car si on apporte une chose nouvelle dans la religion, indirectement, on se prétendrait être mieux que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, wa l'ayyadu billah, ou que as-sahaba radiyallahu anhu wa arda. Et ça, c'est une pure innovation, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, concernant l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wassalam. الاحتفال أيها الإخوة الكرام بهذا المولد أمر محدث في دين الله تبارك وتعالى فإن الرسول لم يفعل ذلك ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كما قال العلماء كما قال les savants. C'est une chose que ni le prophète ne l'a fait et ni les compagnons du prophète ne l'ont fait, bien plus que cela, ni التابعين. Et ça, c'est venu أيها الإخوة الكرام ici, cette innovation à l'an 6 de l'Hégire. Certains disent que c'est à partir de l'an 6 de l'Hégire qu'a débuté cette sorte d'innovation, ayyuhal ahbab. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de musulmans au jour d'aujourd'hui. Et comme disent certains savants, comment on peut augmenter les prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et raconter, ou plutôt citer la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de sa soi-disant naissance, car on avait dit, on n'est pas sûr que c'est le 12 ou le 19, d'accord? Le jour de sa soi-disant naissance, alors que le reste de l'année, on oublie le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une erreur. Le prophète Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, on doit vivre avec sa sunna jour et nuit. On doit appliquer sa sunna jour et nuit. On doit aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, jour et nuit. On doit penser au prophète, alayhi salatu wassalam, jour et nuit. On doit prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, jour et nuit, ou plutôt invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, jour et nuit, comme on l'a vu dans le premier cours. Et ceci jour et nuit, ayyuhal ikhwatul kiram. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si on a les capacités. C'est pas simplement un jour dans l'année. Ça, c'est une pure innovation. Et celui qui prétend aimer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il se doit de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Si toi, tu dis, j'aime mon père, mais que à chaque fois que ton père te dit, fais ceci ou fais cela, tu lui désobéis, on dira que tu es un menteur. Naam ou pas? Vrai ou pas? Naam. Et toi, tu prétends aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, et quand tu dis, ou quand tu entends Allah dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, tu te détournes de la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc, on dit, tu es un menteur. Ou comme le disent, avec le plus grand degré de regret, surtout ça s'est répandu chez les personnes âgées, quand on dit le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait, ou a dit, oh, vous avec le prophète. Subhanallah, mon seba, yu al-ikhwatul kiram. Ou bien, ça c'est le prophète, ça c'est pas toi. Ça c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et que fais-tu du verset coranique? Wa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Liman? Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Wa dhakara Allah kathira. Il y a certes, dans le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un excellent exemple, ayyuhal ikhwatul kiram, un excellent modèle à suivre. Notre exemple et notre modèle, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui est le plus grand des prêcheurs et le plus grand des éducateurs, et Khalilur Rahman, l'ami intime du miséricordieux, ayyuhal ikhwatul kiram. C'est l'ami intime du miséricordieux. Comment prendre autre que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, autre personne que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comme exemple? Notre exemple, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc quand tu vois un texte prophétique, Et quand tu vois un verset coranique, à toi de t'arrêter là. Amma, quand tu vois une chose qui ne fait pas partie de la religion, à toi de t'en détourner. À toi de t'en détourner. C'est un petit rappel. Et ça, c'est clair et connu par tout le monde, tous et tous, du moins chez la majorité des frères qui sont présents au jour d'aujourd'hui, ou plutôt dans cette nuit-là, que la biographie, ou plutôt l'anniversaire du prophète Ali Soussam, c'est une pure innovation. Il n'y a rien à fêter concernant ce jour-là, qui serait soi-disant, je dis bien, le 12 de Rabi al-Awwal, la naissance du prophète Ali Soussam, car on a dit à une unanimité des savants concernant le mois et concernant le jour, c'est-à-dire, je dis bien, le jour, le lundi, mais il y a divergence concernant la date, c'est-à-dire le 12 ou le 19, et la parole de la majorité des savants, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est que il est né le 12 de Rabi al-Awwal, qui correspond à l'an 570 ou 571. Pourquoi je répète ça? Et je le répète plusieurs fois, car malheureusement, on voit des jeunes au jour d'aujourd'hui, des personnes, et l'ensemble des musulmans, je veux dire, pas l'ensemble, la majorité des musulmans, wallahi ayyuhal ahbab, qui, quand tu l'interroges sur la naissance du prophète, il ne sait même pas te donner une date approximative. Même pas une date approximative. Et on dit, j'aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Et si je te dis, même si tu as 8 enfants, bon, pas chez les hommes, hein, je veux dire chez les femmes, 8 enfants, la date de naissance de chaque enfant, peut-être que tu vas me sortir la date de naissance exacte de chaque enfant. Pourquoi? C'est quoi qui t'a poussé à retenir leur date de naissance? L'amour que tu as envers eux. Et toi, tu prétends aimer la meilleure des créatures, qui doit être aimée plus que tes parents, tes enfants et l'ensemble des gens, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, et tu ne connais même pas la date approximative au moins de sa naissance, et je ne parle même pas encore de sa biographie. As'alullahi al-azim, rabbil arshil azim, ayaj'alani wa iyyakum mimma yastami'un al-qawl, fayattabi'un ahsana, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakum.